20 ans après, le mystère n'est toujours pas dissipé et sans doute ne le sera-t-il jamais. Je veux parler de deux affaires qui semblent indissociables, bien qu'on ait tout fait pour justement les dissocier. D'abord, l'assassinat en février 1994 de la députée Yann Pia. Certes, des petits truands ont été jugés responsables et condamnés, mais manifestement, le costume de tueur qu'on leur a fait endosser était un peu trop grand pour leur modeste carrure. Et ensuite, le double suicide très étrange et assez peu crédible de deux frères, les Saint-Senet, 10 semaines seulement après la disparition de la parlementaire. Deux affaires et peut-être, derrière, les mêmes intérêts criminels mêlant politique et gangstérisme dans une région, la Côte d'Azur, qui est minée par la corruption et où rôde même l'ombre de la mafia. Monsieur X revient donc sur ces faits, pointe les manquements de la justice, les errements de deux enquêtes et les multiples tentatives de manipulation. Il essaie surtout de déterminer ce qui pouvait expliquer un tel enchaînement. Dans un instant, ce que l'on sait et surtout ce que l'on a toujours tenté de dissimuler. Une fille est sortie de ma Côte d'Azur. Ça ne m'a pas fait mal sur le coup. Une fille est sortie de ma Côte d'Azur au mois d'août. Je n'eus qu'un peu de sable au bord de ma blessure quand elle fut devant moi à genoux. Profilée sur la mer et peignant sa chevelure dans son cou. Aux anges de Cocteau, elle avait pris des airs. Elle m'allait comme un gant, ça c'est sûr. Fontaine jaillissante au plus sec du désert, une fille est sortie de ma Côte d'Azur. Et depuis nous vivons dans un bloc de bleu pur, étendu parallèle ou croisé. Sur la table il y a du poisson, des fruits mûrs, du rosé. Aujourd'hui quoi de neuf, mes amis, pas grand chose. Madame prend son bain, elle est là. Quand le ciel n'est pas bleu, alors c'est qu'il est rose. Et voilà. Ma chanson, il vaut mieux que je l'arrête ici. Ça devient monotone, le bonheur. On en reparlera si l'azur s'obscurcit. Ce qui sent trop la fraîcheur sent déjà le roussi. Rendez-vous avec X. Avant d'en venir aux faits tels qu'ils se sont passés, une constatation, ou plutôt une impression, celle qu'on a tout fait pour embrouiller ces affaires et même discréditer les journalistes qui ont approché au plus près de la vérité. Oui, vous voulez parler de ce livre-là de André Rougeau et Jean-Michel Verne qui a été censuré parce qu'il mettait en cause deux éminents hommes politiques. Exactement. Attention, je ne prétends pas que cette mise en cause indirecte de François Léotard et Jean-Claude Gaudin était justifiée, d'autant que les auteurs n'apportaient aucune preuve. Mais ces journalistes avaient approché une partie de la vérité. Et pour ruiner le résultat de leurs investigations, ils ont été victimes d'une véritable manipulation. À partir du moment où ce pan de leur travail, je veux parler de leurs affabulations au sujet de ces deux hommes politiques, apparaissait mensonger ou infondé, c'est tout le reste qui s'effondrait, d'ailleurs l'ensemble de leur enquête. Mais comment pouvez-vous en être aussi sûr? J'en veux pour preuve le fait que les articles que l'un de ces journalistes, André Augeot, a publié dans le Canard enchaîné n'ont jamais été démentis par la justice. Enfin, restons-en là pour l'instant. Alors, revenons à la source, l'assassinat de la députée Yann Pia. Une femme politique qui était d'abord passée par la case Front National avant de rejoindre le camp de la droite classique. Une bifurcation qui a été vécue au Front National comme une trahison. D'autant, je crois me rappeler qu'elle était la filleule de Jean-Marie Le Pen. C'est exact. Alors, puisque vous semblez m'y inviter, un mot sur son parcours. Yann Pia est née à Saïgon en 1949 de père inconnu. Sa mère est une militaire, une auxiliaire féminine de l'armée qui ne s'occupera jamais vraiment de sa fille. D'ailleurs, elle ne tardera pas à la confier à un couple de retraités du Var. Et lors de ses rares visites, elle est parfois accompagnée de militaires qu'elle a fréquentés en Indochine. Oui, dont un certain Le Pen. Qui deviendra donc son parrain. Mais je vais vite. La vie sentimentale de la jeune Yann Pia est assez tumultueuse. Deux fois mariée, deux fois divorcée, elle vit seule avec ses deux filles. Oui. Et c'est Le Pen qui lui met le pied à l'étrier politique. Et qui en fera une députée. Quand en 1986, à la faveur de la proportionnelle mise en place par François Mitterrand, le Front National envoie une trentaine de parlementaires à l'Assemblée. Et en 1988, lors des élections législatives suivantes au scrutin majoritaire, Yann Pia est la seule rescapée du groupe du Front National. Ce qui indique qu'elle a réussi à s'implanter. Oui, dans son département d'adoption, le Var. Mais déjà, Yann Pia s'écarte de la ligne du Front National. Alors que Le Pen prône un combat prioritaire contre la droite classique, la jeune femme, pour garder son siège, a pactisé avec le parrain politique local, Maurice Arex. Et quand je dis parrain, c'est à dessein. Ah oui, parrain tel qu'on l'entend quand on parle du milieu. Exactement, car on découvrira bientôt que le sénateur et président du Conseil général du Var entretient des liens très étroits avec le caïd local. Oui, en tout cas, Yann Pia prend donc ses distances avec le Front National. Et elle le fait publiquement, à la même époque, en critiquant le sinistre jeu de mots de son parrain du Rafour crématoire. Et ça lui vaut d'être exclue du Front National. C'est peut-être ce qu'elle cherchait, non? C'est probable, car elle adhère ensuite très vite à l'UDF. Mais elle n'est pas vraiment la bienvenue, car elle bouscule les notables qui sont déjà en place. Pour se présenter comme candidate UDF-RPR en mars 93, elle doit par conséquent affronter au cours d'une vraie primaire un baron local de la droite, Joseph Sercia, dit alias Monsieur Jo, le conseiller général de hier, qui est un protégé de Maurice Arex, et qui est aussi un proche de l'autre homme fort du département, François Léotard, député-maire de Fréjus. Et futur ministre de la Défense dans le gouvernement Balladur. Et cette rivalité laissera des traces. Forcément, car la bagarre entre Pia et Sergea a été féroce, et même violente. En janvier 1993, une grenade a été lancée contre la permanence de la candidate, et dans ces réunions, on a vu des hommes de main venus expressément pour créer des incidents. Ça ne se calmera d'ailleurs pas après la réélection de Yann Pia, car celle-ci envisage maintenant de se lancer à l'assaut de la mairie d'hier, tenue jusque-là par un fidèle de Maurice Arex. Et les sondages effectués pour cette élection municipale de 1995 la donnent déjà gagnante. Ouais, elle accumule donc les ressentiments. Et même les haines, il ne faut pas avoir peur de le dire. Yann Pia bouscule les équilibres locaux, ce mélange douteux où se mêlent les ambitions politiques, l'affairisme et aussi le gangstérisme qui règne en maître dans le département. Qui le dirige, là, ce gangstérisme? Un nommé Fargette, alias la Savonnette, un sobriquet qu'il doit à son aptitude à passer à travers les mailles du filet judiciaire. Ce gangster est étroitement lié au clan de Maurice Arex et copine avec Sercia, le rival politique de Pia. Ce sont d'ailleurs ces voyous qui ont semé le désordre dans les meetings de la candidate. Autre détail important, Fargette entretient également des relations avec la mafia napolitaine, la 'Ndrangheta. Et c'est une puissance locale, par conséquent. Et qui inquiète la députée Yann Pia. C'est si vrai qu'elle aurait tenté de demander de l'aide à d'autres gangsters, les rivaux marseillais. Oui, mais vous avez utilisé quand même le conditionnel. Bien sûr, parce que rien n'est établi. Mais l'information paraît tout de même relativement crédible. Toutefois, gardons-nous de salir la mémoire de cette députée. Il faut cependant observer que Fargette, qui avait pris la précaution de vivre en Italie, à la frontière, sera abattu à la mi-mars 1993. Donc assez peu de temps avant Yann Pia. Alors, est-ce que les deux assassinats sont liés? Certains l'ont affirmé un peu hâtivement, mais je n'en sais rien. Quoi, on aurait voulu venger Fargette? Oh, bah, c'est une hypothèse facile et qui avait l'avantage de la simplicité. Je veux dire qu'à mon avis, ça permettait d'évacuer les vraies raisons de l'assassinat de la députée. Enfin, n'allons pas trop vite. Les circonstances maintenant. Ce 15 février 1994, un peu avant 19h45, Yann Pia quitte sa permanence de hier et monte en voiture. Son chauffeur doit la conduire chez elle sur le Mont des Oiseaux, un quartier résidentiel aménagé sur la colline qui domine la ville. Est-ce que Yann Pia se sent menacée? Oh, pas plus que d'habitude. Je vous l'ai dit, elle est engagée dans une campagne électorale municipale qui risque d'être très agitée. Et vous avez dit dans un climat de haine. Oui, Yann Pia dérange. Et on ne se gêne pas pour le lui faire savoir. Mais enfin, je reprends. Ce 15 février, donc, c'est la pleine lune. Malgré la nuit qui est tombée, on voit très bien. À la sortie d'un virage, en épingle à cheveux, une moto double la voiture de la députée. Et immédiatement, le passager ouvre le feu. Les vitres de l'auto volent en éclats. D'abord, la lunette arrière, puis la vitre arrière gauche. Le chauffeur est atteint à la cuisse gauche. Et que fait-il? Il freine, passe la marche arrière devant le motard, fait demi-tour, mais il chute et reste coincé sous son véhicule. Le passager, lui, s'est relevé et, arme au poing, il s'avance. Et debout, devant le capot de la voiture, il tire à nouveau. Yann Pia est grièvement touché au thorax et à l'abdomen. Le chauffeur redescend alors la côte à toute allure. Mais la députée mourra bientôt en arrivant à la caserne des pompiers où il la conduit. Il est alors 20h. Ce récit, si j'ose dire, c'est la version officielle, en tout cas celle qui sera retenue par la justice. Ah bon, parce qu'il y en aura une autre. Oui, mais enfin, un petit peu de patience, je vous en prie. Alors, voyons comment démarre l'enquête. Comme je vous l'ai dit, il était assez logique de penser à une vengeance des amis de Fargette, le parrain assassiné. Plusieurs personnages du milieu, dont le propre frère du caïd, sont interpellés. Et même Joe Sercia, le rival de Yann Pia. Mais deux d'entre eux retiennent particulièrement l'attention des enquêteurs. Et qui donc? Deux proches du truand, Pericolo et Labadie, qui avaient semé le désordre dans un meeting électoral de Yann Pia et qu'un témoin accuse formellement d'avoir été présent sur les lieux de l'assassinat. Mais, comme souvent dans ces affaires où des gangsters sont soupçonnés, il se lève aussitôt de nombreux autres témoins qui leur procurent des alibis. Des faux témoignages? Tout est possible. Ces deux figures du milieu restent néanmoins en prison jusqu'en juin 1994, jusqu'au moment où apparaît une autre piste, celle des bébés killers. Les bébés tueurs, et qu'est-ce que ça veut dire? On désigne ainsi les seconds couteaux. Les apprentis, quoi. Et des genoux. Le premier est un nommé Lucien Ferry, 22 ans, alias Salus. C'est lui qui aurait été le tireur à moto. Il le reconnaîtra. L'autre s'appelle Marco Di Caro, alias le nain. Et lui, c'est le pilote de la moto? Oui, tous les deux sont très jeunes, la vingtaine, et sont réputés pour manquer notoirement de cervelle. Mais ce ne sont pas les seuls à être arrêtés, car en fait, ils appartiennent à une petite équipe, la bande du Macama. Le Macama? Oui, un bar, brasserie, glacier, piano-bar de hier, géré avec succès depuis une dizaine d'années par Gérard Final, un ancien plombier de 51 ans, qui aurait été le gourou de tous ces bras cassés et aussi le commanditaire de l'assassinat. Ah oui, mais le mobile alors? Très lié à l'adversaire politique de Pia, Sercia. Il aurait voulu écarter la députée de la conquête de la mairie. En outre, la petite bande du Macama était aussi très proche de la mère de Fargette. Ah oui, alors ça renforce le mobile de la vengeance. Évidemment. Par ailleurs, Final aurait eu les yeux plus gros que le ventre. Et ça veut dire quoi, ça? Cet ancien plombier aurait désiré se constituer un véritable empire de la nuit, en s'emparant d'autres établissements et pourquoi pas en prenant la place de Fargette, le caïd assassiné. Et alors, Yann Pial l'aurait gêné ? Bah, peut-être, parce qu'elle voulait procéder à une opération main propre et débarrasser hier de ses gangsters. Mmh. Et comment la piste de la bande du Macama a-t-elle débouché ? Elle a été confondue grâce au témoignage d'une ex-employée du Macama, la jeune Delphine, une toxicomane, maîtresse de l'un des bébés killers, Lucien Ferry. Compromise dans une petite affaire d'escroquerie, elle aurait accepté de parler aux policiers contre la promesse de ne pas aller en prison. Ah oui, donc elle parle. Et permet l'interpellation de la bande du Macama. Cependant, curieusement, ensuite, cette très jeune fille va mourir. Ah oui, mais de quoi ? On parlera d'un étouffement dû à une régurgitation du bol alimentaire. Et ça vous paraît étrange ? Pas à vous. Avec ses premiers aveux, on aurait voulu éviter qu'elle n'en dise pas plus ou qu'elle revienne sur ses déclarations, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Un assassinat déguisé, alors ? Il est légitime de s'interroger, non ? D'autant que le corps de la jeune fille a été prestement embaumé, rendant ainsi toute autopsie impossible. Mais vous allez le constater, ce sera la première mort curieuse, mais pas la dernière. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Jean-Michel Verne, qui est ce journaliste d'investigation, co-auteur d'un premier ouvrage sur l'affaire Yann Pia qui a été censuré. En 2005, il écrit un nouveau livre, l'affaire Yann Pia, retour sur une manipulation. Et il évoque un autre ouvrage écrit par deux journalistes, Claude Hardide et Jacques-Marie Bourget, qui a également rencontré de sérieuses difficultés parce qu'il évoquait le curieux décès de la jeune Delphine. Extrait. C'est Verne qui tient la plume. Ce nouvel ouvrage, qui ouvre lui aussi une piste politico-mafieuse dans l'assassinat de Yann Pia, sera censuré. Le tribunal de grande instance de Toulon exige le retrait de cette page qui porterait atteinte à la mémoire de Delphine et à la vie privée de sa famille. Or, Hardide et Bourget s'interrogeaient sur les circonstances de cette mort et sur les secrets que la jeune femme était susceptible de détenir. Cette nouvelle censure est décidément la preuve qu'il n'est pas bon de toucher au dossier Piat, car pour Plomb, ce livre s'est soldé par un désastre financier. La piste ouverte par les révélations de Delphine débouche directement sur ce qui restera la thèse officielle, expliquant l'assassinat de Yann Pia. C'est l'œuvre d'une bande de petits malfrats, des tueurs en mal de notoriété et manipulés par un ambitieux patron de bar. Et on ne veut pas chercher plus loin. C'est évident. Pourtant, il y a de quoi s'interroger. D'abord, la culpabilité d'un commanditaire aussi falot que Gérard Final paraît douteuse. Ouais, parce qu'il n'a pas le profil. Ou la carrure, comme vous voudrez. Oui, mais ça, c'est une appréciation subjective. D'accord. Mais il y avait des éléments objectifs qui auraient mérité d'être approfondis. Par exemple, cette saisie d'un courrier de la députée chez son notaire. Dans cette lettre, datée de janvier 92, la jeune femme affirme que si elle est assassinée, il faudra regarder du côté de certaines personnalités locales, comme Arex, le truand Fargette ou encore Bernard Tapie. C'est troublant, ça. Enfin, en tout cas, ça montre qu'elle avait des raisons sérieuses de se sentir menacée. En effet. Aussi observer que si le parrain politique du département, Maurice Arex, n'a jamais vraiment été inquiété au sujet de l'assassinat de Pia, les investigations ont permis de démonter le vaste système de corruption qu'il avait supervisé avec son homme lige, Jean-Louis Fargette. Pas un marché public n'échappait à l'appétit du sénateur président du Conseil général et on découvrira des millions de francs sur ses divers comptes en Suisse et dans des paradis fiscaux. Il sera condamné, hein ? Après avoir été incarcéré presque 300 jours, oui, sans rien avouer. Il sera à nouveau condamné en 1996 à 2 ans de prison ferme. Mais il ne semble pas avoir été directement impliqué dans la disparition de Yann Pia. C'est exact. Outre la lettre remise à son notaire par Yann Pia, d'autres faits curieux auraient pu, ou auraient dû, éveiller la curiosité de la justice. La version officiellement ne fait donc état que d'une équipe de deux tueurs à moto. Oui, Ferry et Dicaro. Oui, or des témoins crédibles ont vu ce qui aurait pu être une deuxième équipe, également à moto. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais un automobiliste a clairement vu une moto encore plus imposante que celle des tueurs présumés. Le doublé, dans l'épingle à cheveux, tout feu éteint, alors que lui-même, à la demande du chauffeur de Yann Pia, suivait la voiture de cette dernière dans la descente pour lui prêter aide. Oui, après l'agression, par conséquent. Oui, oui, oui. Les deux passagers de ce puissant deux-roues portaient des casques intégraux, noirs ou sombres, à visière fumée. Ouais, et ils n'auraient pas pu confondre avec les tueurs de la moto, ces hommes qui ont tiré dans la montée ? Ah ben non, car ceux-ci étaient coiffés de casques blancs. Ce témoin, nommé Icardi, prendra même peur lorsque cette puissante cylindrée, après l'avoir dépassée tout feu éteint, a soudainement freiné. Et sans demander son reste, il a fait demi-tour, laissant le chauffeur de la députée continuer seul dans la descente. Oui, mais ce n'est qu'un témoignage, un peu flou. Non ? Peut-être. Mais pourquoi ce témoin n'a-t-il pas été convoqué lors de la reconstitution ? Autre élément, encore plus troublant, les examens balistiques ont établi que parmi les 5 munitions retrouvées par la police, l'une ne correspondait pas aux caractéristiques des autres. Deux armes, donc. C'est certain. Ouais. Mais le tueur aurait pu posséder deux armes de poing. Ou un autre assassin aurait pu faire feu. Ah oui, la deuxième équipe, là. Attendez, il y avait aussi le conducteur de la moto. Non, non, non, celui-là, Dicaro, après sa chute, se trouvait alors coincé sous sa moto et était bien incapable de tirer. J'ajoute que le chauffeur de Pia, qui a toujours affirmé que le tueur s'était approché de lui, a toujours été incapable de décrire ce dernier, et qu'il a même donné plusieurs versions contradictoires, exactement comme s'il avait eu peur. Ah oui, peur, selon vous, des hommes de l'éventuelle deuxième équipe ? Mais des hommes qui n'ont jamais été identifiés. Enfin, je dois vous dire que l'analyse du minutage des faits ne laisse pas d'interroger. Expliquez-la. Le chauffeur a quitté la permanence de la députée à 19h40. Il était précisément 20h12 lorsqu'il est arrivé à la caserne de pompiers avec Yann Pia agonisante. Dans ces 32 minutes, il y en a 17 qui restent inexpliquées. Un nouveau mystère. Qui s'est épaissi au fil du temps. Oui. Car Dicaro et Ferry, les assassins présumés, sont revenus sur leurs aveux lors du procès en 1998. Mais pour autant, ont-ils désigné d'autres assassins qui auraient agi conjointement avec eux ? Non, car visiblement, ils avaient peur et refusaient de donner des noms. Ferry, celui qui était le chef de ce duo de voyous, a même justifié son mutisme en déclarant à peu près ceci. « Je suis sûr de sortir de prison un jour, mais du cimetière, jamais. » Ouais. Donc, plutôt prisonnier que libre avec un contrat sur sa tête. Et c'était une affirmation prémonitoire, vous allez voir pourquoi. Auparavant, ce Ferry a eu aussi ce dialogue très éclairant avec le président de la cour d'assises lors de son procès. Alors que le magistrat lui demandait avec insistance de livrer le nom des véritables cerveaux de l'assassinat, Ferry a d'abord blanchi le patron de bar final. Et comme le président lui posait la question, s'agissait-il d'hommes politiques ou de voyous ? Ferry a répondu « les deux ». Et comme le magistrat lui faisait répéter qu'il y avait bien des hommes politiques, il a insisté. Ces hommes politiques, sont-ils si puissants que vous les redoutez ? Ferry a répondu, bien sûr, sinon je vous dirai leur nom. Ouais. Et vous parliez à l'instant d'une affirmation de Ferry qui aurait été prémonitoire. Oui, oui. Écoutez bien. Gérard Final, qui avait tenté de négocier des révélations avant son procès, est décédé à l'âge de 65 ans à Toulouse. Après une opération du cœur, alors que son dossier de demande de libération conditionnelle devait être étudié quelques jours plus tard. Quant à Lucien Ferry, lui-même, libéré après un peu plus de 16 ans de détention, il meurt quelques jours après sa libération conditionnelle d'une méningite foudroyante. Une mort très discrète, puisque la presse n'en sera informée que 4 mois plus tard. Et pour vous, ce sont deux morts suspectes. Douteuses, en tout cas. Ajoutons à ces décès celui d'un certain Jackie Champourlier, un ex-bras droit de Fargette, qui a été assez sérieusement suspecté d'être l'un des assassins de Yann Pia. Oui, c'est-à-dire un des tueurs de l'éventuelle deuxième équipe. Oui, eh bien, ce Champourlier a été retrouvé carbonisé dans sa voiture en avril 1996. Mais avant de mourir, il avait été torturé. On a voulu le faire parler. Ou le faire taire à jamais. Alors vous aviez raison, là, on meurt beaucoup dans cette affaire. Hein. Et vous allez le constater, ce n'est pas fini. Mais auparavant, il faut bien dire qu'en épluchant toute cette affaire, on a une fâcheuse impression, celle que l'enquête a été bâclée, sinon sabotée. France Inter, Patrick Pénaud, à rendez-vous avec X. Confirmation des lacunes de l'enquête dans l'ouvrage de Sophie Coignard, L'Omerta française. Extrait. Dès que la nouvelle de l'assassinat est connue, un très haut responsable des services du Conseil général du Var prend une curieuse initiative. Il demande à une secrétaire de récupérer les archives de la députée à son secrétariat. À quel titre ? Un fonctionnaire départemental n'étant pas, jusqu'à preuve du contraire, officier de police judiciaire, décide-t-il d'interférer ainsi dans le déroulement d'une enquête judiciaire ? On ne saura pas. En tout cas, certains documents et des disquettes d'ordinateur, une vingtaine, sont récupérés. Quelqu'un en prend-il connaissance ? L'enquête n'a pas permis de l'établir avec certitude. On ne sait pas non plus pourquoi ces pièces cruciales pour l'instruction se retrouvent entre les mains de Philippe de Canson, à l'époque député-maire d'une petite commune du Var. De plus, il apparaît, d'après le témoignage du successeur socialiste de Philippe de Canson, que certaines disquettes, dont l'une intitulée « Italie », ont disparu. Qui s'en émeut parmi les juges, les policiers ou les journalistes ? Personne. L'enquête a été polluée dès le début par des négligences. Et le mot est faible. Pourquoi, par exemple, n'a-t-on pas mené de véritables investigations dans l'entourage de Yann Piat ? Une collaboratrice très proche n'a jamais été entendue, ni par la police, ni par le juge d'instruction. Autre faille sérieuse, on n'a pas posé de scellé sur la porte du bureau de la députée hier. Et pendant toute une semaine après l'assassinat, des individus ont pu y entrer et sortir à leur guise et emporter des documents. Et comment expliquer tout ça ? Par la conviction des enquêteurs, vraie ou feinte, que Yann Piat avait été la victime de petits malfrats. Ouais, une histoire simple de droit commun, en somme. C'est ça. Et ça empêchait qu'on regarde trop haut et qu'on décortique les réelles raisons qui ont déterminé certains à vouloir éliminer un personnage embarrassant et trop curieux. Ben nous voilà au cœur de l'affaire. Mais je vous demande de patienter encore un peu, car je n'en ai pas fini avec le relevé de tous ces manquements qui pullulent dans le déroulé de l'enquête et plus généralement dans tous les faits connexes. Alors, je continue. Et pardonnez-moi si je vous livre toutes ces informations gênantes dans le désordre. Ceci pour commencer. 3 mois avant le procès, en 1998, de son mari et des deux tueurs présumés, Ferry et Di Caro, l'épouse de Gérard Final se confie à un policier des renseignements généraux. Son mari est prêt à raconter le vrai déroulement des faits. À propos de l'assassinat de Yann Piat. Oui, car il affirme n'avoir été qu'un simple intermédiaire. Agissant pour un commanditaire, donc. En effet. Et que demande-t-il en échange de cette confession ? Il réclame une peine allégée et surtout de ne pas apparaître dans la procédure, car il sait très bien qu'il risque d'être liquidé. Ah oui. Et que fait ce policier, alors ? Il alerte évidemment un haut responsable de son service. Et celui-ci, afin de s'assurer de l'authenticité de l'information, demande à rencontrer Final dans sa prison. Alors, et ça semble assez fou, ses collègues de la police judiciaire qui ont conduit l'enquête lui opposent un refus. Ils menacent même de placer en garde à vue le policier qui a recueilli les confidences de l'épouse de Final. Comment expliquez-vous cette attitude de la PJ, là ? Manifestement, la police, mais sans doute aussi la justice, ne veut pas rouvrir l'enquête au risque d'aborder des rivages dangereux. Politiques. Vous m'avez parfaitement compris. Pourtant, au cours du procès, deux personnages mettent les pieds dans le plat. D'abord, Michel Cardix, l'avocat de Gérard Final. Il demande entre autres la comparution des personnes citées par Yann Piat, dont le courrier est déposé chez son notaire en 1992. Des gens qui pourraient être responsables de sa disparition au cas où il y arriverait malheur. L'avocat ne l'est pas entendu. Le deuxième personnage qui fait du bruit, c'est un magistrat, le substitut du procureur de Toulon, Albert Lévy, qui révèle d'abord qu'il avait prévenu sa hiérarchie dès 1993 que la députée Yann Pia était menacée. Il avait eu un tuyau ? Visiblement, car il était chargé des affaires de grand banditisme. Aussi, après avoir fait cette révélation, il n'hésite pas à évoquer tous les dossiers dont il s'est occupé ou sont mis en cause pêle-mêle des voyous, des fonctionnaires et des hommes politiques. Autant d'affaires qui n'ont jamais été prises en compte par les enquêteurs de l'affaire Pia et ont même été sciemment laissées de côté. Alors lui aussi pointe là les aspects politiques du dossier. Oui, il dénonce clairement l'existence d'une piste politique. Et il en veut pour preuve la tenue d'une étrange rencontre en mars 1994 dans un bar de l'aéroport d'Orly. Trois personnages y participent. Le directeur du SRPJ de Marseille, un émissaire de Charles Pasqua, ailleurs, un homme qui a aidé Pia à gagner les législatives de 1993 avant de la lâcher dès qu'elle a décidé de briguer la Méridienne. Et le troisième, là ? C'est le père de Franck Perletto, souvent donné comme le successeur de Fargette, et qui purge alors une peine de prison pour l'attaque d'un fourgon blindé de la Poste. Et quel est l'objectif de cette rencontre à trois ? C'est une vraie négociation qui s'ouvre, contre sa libération anticipée. Franck Perletto serait disposé à livrer à la police des informations sur l'assassinat d'Yann Pia. Ce qui va se passer ? Oui. Enfin, il faut remarquer que les tuyaux de Perletto ne concerneront que la mise en cause de la petite bande du Macama. Et vous l'avez compris, si on ne peut nier que ces petits malfrats ont joué un rôle dans le drame, ils ont surtout servi à édifier un rideau de fumée destiné à dissimuler les vrais responsables. Oui, alors donc ce Perletto là ne fait que confirmer ce qui deviendra la piste officielle. Et il sera remercié en obtenant sa libération. Détail qui ne manque pas de saveur, la rencontre d'Orly ne donnera lieu à aucun procès-verbal et sera toujours ignorée du président de la cour d'assises qui jugera la bande du Macama. Quoi qu'il en soit, pour revenir à la déposition du substitut Lévy, si sur le moment elle marque les esprits, on s'empressera de l'oublier. Et ce magistrat, présenté comme une sorte de Don Quichotte de la justice, ne cessera plus d'avoir des ennuis avec sa hiérarchie. N'a-t-il pas osé dire que la sérénité de certains de ses confrères magistrats confinait à la nonchalance ? C'est un vrai crime de lèse justice. À peu près, parce que Albert Lévy ne s'est pas contenté de faire cette déposition fracassante. Il a aussi inlassablement essayé de convaincre les magistrats chargés de l'affaire qu'il fallait conduire des investigations au-delà de la bande du Macama, quitte à provoquer le courroux de ses confrères qui l'accuseront de faire fuiter ces informations dans la presse. Mais concrètement, là, comment agit ce solitaire ? En mars 1996, il le rédige un compte-rendu qu'il transmet au procureur de la République. Il est fait état d'une conversation qu'il a eue avec l'un des membres du clan Fargette en avril 1995. Ce dernier lui a déclaré avoir loué une maison au Mont des Oiseaux, peu avant la mort de Pia. Ouais, le Mont des Oiseaux, où était située la maison de Yann Pia. Hein. Et où a eu lieu l'assassinat. Mmh. Oui. Et il se serait donc peut-être agi de préparer le coup. Et ce même truand lui a aussi confié de manière assez sibylline qu'il y avait beaucoup de monde dans les parages le soir de l'assassinat. Ouais, donc pas seulement les tueurs officiellement désignés. Mais j'imagine qu'ensuite, le juge d'instruction a dû essayer d'entendre ce truand. Non ? Ah, mais celui-ci est resté muet comme une carpe. Il faut aussi ajouter que si Lévy a encouru les foudres de sa hiérarchie pour son esprit d'indépendance et sa trop grande curiosité, il a également reçu des lettres de menaces et fait l'objet de filatures. Oui, par des hommes du milieu ? On peut le supposer. Oui. Mmh. Donc pour résumer, là, au cours du procès, deux hommes au moins, l'avocat Michel Cardix et le substitut Albert Lévy, ont soulevé l'éventualité de la piste politique. Et il faut ajouter à ces deux noms celui du journaliste indépendant Claude Ardide, qui écrira plus tard un livre sur l'affaire avec Jacques-Marie Bourget. Et que dit-il, lui, au cours de son audition devant la cour ? Selon lui, Yann Pia a été assassiné car il voulait faire cesser certaines pratiques dans la ville d'hier qu'elle comptait bien arracher à Cercia, et donc au clan Arex. Elle aurait confectionné des dossiers accablants sur les intérêts financiers en jeu. Et Ardide, lui aussi, a affirmé qu'au-dessus de Gérard Final et de la médiocre bande du Macama, il existait ce qu'il a appelé des super commanditaires. Et confirmant d'une certaine façon le témoignage du substitut Lévy, il a révélé l'existence d'une réunion qui s'était tenue entre trois individus au Mont des Oiseaux la veille de l'assassinat. Et qui participait ? S'estimant menacé, il a refusé de donner leur nom. Mais il a indiqué que des policiers avaient enquêté sur cette piste, mais qu'on leur avait demandé d'interrompre leur recherche. Leur hiérarchie ? Ça me semble évident. Ouais. Donc, on ne voulait pas savoir. Parce qu'approcher la vérité, c'était provoquer un véritable séisme dans une région où il existait une telle intrication entre le milieu et le monde politique. Pourtant, l'étrange mort des frères Sancenet, moins de 3 mois après celle de Yann Pia, aurait dû permettre d'y voir plus clair et de nettoyer les écuries d'Augias. Car il y a un lien entre les deux affaires. C'est certain. Yann Pia a été assassinée parce qu'elle avait eu connaissance de ventes de terrains suspects et de projets immobiliers qui ne l'étaient pas moins. Et les frères Sancenet ont été suicidés, si vous me permettez cette expression empruntée à un lointain numéro du Canard enchaîné, parce qu'ils avaient eu connaissance, eux aussi, de ces considérables magouilles et qu'ils s'apprêtaient peut-être à faire chanter leur protagoniste. Mais c'est déjà été long pour aujourd'hui et nous nous intéresserons la semaine prochaine au second volet de cette affaire tortueuse. Cette émission a été réalisée par Michel Billoux avec le talent technique de Rémi Quincet, mise en musique par Monsieur Joubre et préparée par Rebecca de Nantes, qui a lu cette semaine quoi ? Un ouvrage collectif, une histoire secrète de la corruption sous la Ve République. Le journaliste Jean-Michel Verne revient en plusieurs chapitres clairs et précis sur les affaires sensibles et les personnages sulfureux qui ont marqué le sud de la France. Le système Arex, l'assassinat de Yann Pia, l'affaire OM Valenciennes, les affaires Corse et Monégasque, Michel Mouillot, ex-maire de Nice ou encore Charles Pasqua. C'est paru chez Nouveau Monde Éditions. Vive la Côte d'Azur. Vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr et bien sûr, à samedi prochain, la suite de ce tortueux dossier. Et tout de suite, après le flash, CO2, mon amour de Denis chez Sous.